J'emploie une sténodactylo à temps partiel. La secrétaire, elle, travaille pour moi à plein temps. Monique, la sténodactylo, travaille un jour sur deux et elle doit arriver à 8 heures. Il est 8h15 et elle n'est pas encore là. Par-dessus le marché, elle tape à la machine très lentement. Et quand elle prend une lettre en sténo, elle est incapable de la relire. Et puis, elle fait beaucoup de bruit. Quand elle est seule, elle chante à tue-tête. Elle claque les portes et elle fait marcher son transistor à fond. Les voisins du dessus se plaignent. Heureusement qu'il n'y a personne en dessous. Elle travaille ici depuis 15 jours seulement. Mais elle est tellement insupportable que je lui ai donné son congé. Elle doit partir dans 8 jours, ou au maximum dans 15 jours. Mon adjoint, lui, est un drôle d'homme. Tantôt, il a faim. Tantôt, il a soif. Tantôt, il a trop chaud. Tantôt, il a trop froid. Il dit qu'il est consciencieux. Il dit qu'il vit pour son travail. Mais tous les 15 jours, il est absent un jour ou deux. Tantôt, il a mal à la tête. Tantôt, il a mal à la gorge. Ou bien c'est sa femme qui est malade. Je n'ai jamais vu un homme pareil.